Marc, qui a pour titre « Les choses, il n'en verra pas, et donc voilà ». Et cette message est en train d'être distribuée à la halle de Marat-Koura. Peut-être que chacun d'entre vous la prise. Et Inch'Allah, la tarjama sera faite, la traduction par notre frère Sadr, Hafidhahullah. Cette moukaddima était déjà trop longue. Alors je vous laisse Inch'Allah avec le cheikh, wa jazakumullah khair. Merci. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد نحمد الله تبارك وتعالى الذي بمنه وكرمه وتوفيقه جمعنا بإخواننا في هذه المدينة نسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في جمعنا هذا وأن يوفقنا فيه وأن يجعل دائما وأبدا لقاءنا واجتماعنا على ذكره وشاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن يكون الاختيار لهذه الجلسات نظما ميسرا لإمام من الأئمة المحققين الذي ترك الأثر الطيب ونفع الله تبارك وتعالى به خلقا كثيرا ممن عايشه وممن جاء بعده وكذلك العلماء الربانيون يحيي الله تبارك وتعالى بهم قلوب العباد العلماء الذين لو لم يرد في فضلهم إلا قول نبينا عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء لكفى بهذا فضلا فهم ورثة خير البشر سادات البشر أجمعين أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله المصطفين الأخيار. تفضل. الحمد لله. قال الأحسن الناس قال الناس أحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Le cheikh commence cette allocution en louant Allah subhanahu wa ta'ala pour ses nombreux mérites, parmi lesquels le fait de nous réunir dans cet endroit. Il a aussi invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et l'a imploré de lui accorder son assistance et de nous l'accorder aussi, et ceci à tout moment et à chaque instant. Puis il a cité que le choix qui a été fait concernant le sujet traité au cours de ces assises sera quelques vers de poésie dont l'auteur est le grand savant Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. C'est un poème qui traite du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers la demeure dernière. Et cet imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala a laissé énormément de bien à la communauté. Allah tabaraka wa ta'ala a par cet imam guidé beaucoup de gens, parmi ceux qui ont vécu à son époque, mais aussi ceux qui sont venus après lui. Et c'est ainsi que sont les savants qui ont le mérite, ou qui ont énormément de mérite, parmi lesquels ce qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il décrivit les savants, il dit « Et les savants sont les héritiers des prophètes. Et s'il n'y avait comme mérite pour les savants que ce qui nous est dit dans ce récit prophétique, cela aurait été amplement suffisant. Les prophètes sont les meilleurs des hommes, ainsi que les messagers. Les savants sont leurs héritiers. » نعرف بهذا الإمام وهو من الأئمة المعاصرين شيخ كريم شيخ الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى فهو من أخص تلاميذه وكذا عبد الله بن عقيل عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى هذا الإمام الذي برع في العلم منذ نعومة أظافره ولد في السنة الثالثة بعد في السنة السابعة بعد المئة الثالثة بعد الألف من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام مدينة عنيزة بالقصيم من بلاد نجد ونشأ اليتيم توفيت أمه وعمره 4 سنوات ولحقها أبوه بعد 3 سنوات إلا أنه نشأ محبا للعلم وهذا لأن البيئة الصالحة هي البيئة التي تربي نشأها وأبناءها على أسباب الصلاح ولا شك ولا ريب أن من أعظم أسباب الصلاح العلم النافع يتربى الأولاد على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى أولا وقد فتح الله عليه وختم حفظ كتابه وعمره 11 سنة ثم بدأ يجالس المشايخ والعلماء من مشايخ بلدته، فما هي إلا سنوات قلال حتى جلس على كرسي التدريس، وعمره 23 سنة، معلماً ومتعلماً، معلماً ومتعلماً، فذاع صيته في الآفاق، وعرف بين أهل العلم، وهذا لتمكنه وسعة علمه، حتى أصبح يرحل إليه طلبة العلم، فقضى حياة كلها في التعليم والقضاء والتدريس والتأليف والدعوة إلى الله عز وجل، فقد ألف من الكتب الشيء الكثير في الفنون جميعها، ومن أبرز مؤلفاته كتابه تفسير القرآن الكريم الذي سماه تيسير الكريم المنان، تيسير الكريم المنان الذي يعتبر من أحسن التفاسير في بابه، لأن التفاسير على أنواع ثلاث، منها المطولات، ومنها المختصرات، ومنها ما هو بين النوعين. علماء أهل السنة في زماننا كأنهم قد اجتمعت كلمتهم على تقديم تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن، والذي اصطلح على تسميته بتفسير الإمام السعدي، أحسن تفسير في هذا الباب، والله تبارك وتعالى جعل فيه القبول، ولعل هذا دليل على إخلاص صاحبه فيه، رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وقد توفي هذا الإمام في السنة 76 بعد 300,000 من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، عاش قرابة 70 سنة في هذا الشأن العظيم، وتخرج على يديه من التلاميذ أئمة برزوا في العلم والقضاء، واجتمع الناس حولهم، وانتشر علمهم وذاع صيتهم، وهكذا يكون مثل هذا الخير. ولهذا في فضل العلماء في بثهم للعلم، كما يقول الأئمة، قال سفيان الثوري عليه رحمة الله: ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم. وهذا كأنه تفسير لحديث رسول الله الذي سبق ذكره في بيان فضل العلماء. شيخ الأزهر حفظه الله تعالى nous fait une brève présentation du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Il fait donc partie des savants, ces imams contemporains qui ont eu des élèves très connus parmi les gens de science, notamment le Cheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymin rahimahullah, mais aussi le grand savant Abdullah ibn Aqil rahimahullah ta'ala. Ce grand savant, le cheikh Sa'di rahimahullah, a percé dans la science. Il naquit en l'an 1307 de l'Égypte, dans le village appelé Unaïza, dans la région du Najd, vers l'endroit appelé Al-Qasim. Ce grand savant était orphelin. Rahimahullah ta'ala, il perdit sa mère à l'âge de 4 ans. Puis, son père a rejoint sa mère 3 ans après. Mais il est né en aimant la science. Ceci car il vivait dans un endroit ou dans une région qui était pieuse. Et c'est ainsi que celui qui vit dans un endroit, dans une région, pardon, ou dans une atmosphère où il y a la piété et l'obéissance, cela sera très utile pour son éducation. Ceci fait donc partie des causes de la réussite, de la piété de cet homme, rahimahullah ta'ala. Il a mémorisé le Coran alors qu'il avait l'âge de 11 ans. Après cela, il s'est assis devant les savants pour prendre d'eux les enseignements et la religion, rahimahullah ta'ala, jusqu'à devenir apte à enseigner alors qu'il avait 23 ans. Sa voix s'est donc propagée. Les savants l'ont connu comme quelqu'un doué de raison, de science, qui fournissait des efforts dans la transmission du savoir, qui était apte au jugement, à l'enseignement. Il écrivait aussi nombreux ouvrages, parmi lesquels l'ouvrage très connu, qui n'est autre que le commentaire du Coran, de l'imam Sa'di rahimahullah. Et les savants ont dit que les commentaires du Coran se divisent en trois. Il y a ceux qui sont considérés comme résumés, ceux qui sont considérés comme mutawwalat. Mutawwalat, ce sont les longs ou les grands ouvrages. Et il y a ceux qui sont entre les deux. Et l'imam Sa'di rahimahullah, les savants contemporains. Les savants contemporains. Les longs ouvrages comme Tafsir Tabari. Les savants contemporains se sont presque tous mis d'accord pour dire qu'à la tête des tafasir, les exégèses du Coran, il y a celui de l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala. Et ceci est un indice montrant la sincérité qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donnée à cet homme. Il décéda en l'an 1376 de l'Égypte. Il a donc passé 70 ans dans ce monde à vivre dans ce domaine qui est celui de l'apprentissage. Il a fait sortir des grands élèves qui sont devenus des savants aptes à enseigner, à juger et autres. Et l'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, a dit dans une parole qu'il n'a pas vu après la prophétie meilleure que la transmission du savoir. Et ceci en réalité est en conformité avec le hadith que vous avez tantôt écouté du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit que les savants sont les héritiers des prophètes. ومن الآثار الطيبة للعلامة أبي عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر السعدي عليه رحمة الله هذه المنظومة التي بين أيدينا التي أبياتها قليلة إلا أنها في بابها عظيمة متعلقة بما عنون لها صاحبها وهي السير إلى الله والدار الآخرة فائدة المنظومات أنها تسهل حفظ العلم لطلبته وحفظ العلم من أهم الأسباب وأولها في تحصيل العلوم. ولهذا تجدون دائما وأبدا، وهذا منذ الزمن الأول لهذه الأمة، أن العلماء يجتهدون في التحفيظ لأبنائهم وتلاميذهم، يبدأون بتحفيظ كتاب الله تبارك وتعالى لأنه أساس العلوم كلها، يرحمك الله، ولأنه الأصل الأول التي تبنى عليه الأحكام. أحكام هذا الدين قائمة على الكتاب المنزل وعلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. العلم قال الله قال رسوله، هذا أساس العلم. ولهذا يبدأون بتحفيظ نصوص الكتاب والسنة لأبنائهم أو لمتعلميهم، يحفظون القرآن ثم يحفظون متونا في السنة، ثم لأجل التسهيل في باب العلم جعلت هذه المنظومات، لأن الكلام العربي إما أن يكون نثرا وإما أن يكون نظما. النثر الكلام الإنشاء، ولا يكون على وزن، وإذا كان على وزن وفيه قافية هذا يسمى نظم. الشعر نظم والمنظومات شعر، إلا أنه من الشعر النافع، من الشعر الذي فيه الحكمة والذي فيه الخير، وهو خير كثير. حتى أن أهل العلم في مثل هذه المنظومات ذكروا كلام في قضية بدء مثل هذا بالبسملة، هذه منظومة نوع من أنواع الشعر، هل يشرع أن نبدأها بالبسملة أم لا؟ ذهب بعضهم إلى عدم جواز ذلك، والصحيح أنها ما دامت نظما في علم نافع فيما يقرب العباد إلى ربهم تبارك وتعالى يشرع أن تبدأ بالبسملة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المنظومة نونية، والمنظومات قد تكون نونية أو ميمية أو تائية أو حائية، وهذه التسمية بحسب آخر حرف من قافيتها، إذا انتهت بحرف النون سميت نونية، وإذا انتهت بحرف الميم سميت ميمية، وهكذا وهكذا. هذه نونية مختصرة، مختصرة جدا، أبيات قليلة، إلا أنها جاءت في موضوع ومسألة جليلة. هذه المسألة ما دل عليها عنوانها السير إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. Parmi les traces laissées par le cheikh As-Sa'di, rahimahullah ta'ala, parmi les écrits qu'il a laissés, il y a justement ces quelques vers de poésie qui sont entre nos mains. Et comme vous le constatez, les vers sont peu nombreux, mais ils sont immenses dans le sens qu'ils contiennent, car ils sont en relation avec, comme il est indiqué dans le titre, le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala est la demeure dernière. L'utilité à écrire des vers de poésie n'est autre que le fait de faciliter l'apprentissage ou la mémorisation de la science, car la science ne s'acquiert qu'en commençant par la mémorisation et l'apprentissage. C'est la raison pour laquelle les savants fournissent énormément d'efforts pour faire apprendre par cœur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala à leurs élèves, le livre d'Allah qui est la base de toutes les sciences, car toutes les sciences en réalité viennent du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme il fut dit, la science est, Allah a dit et son messager a dit. C'est donc la base de la science. C'est la raison pour laquelle ils commencent dans leur apprentissage par la mémorisation du Coran, mais aussi la mémorisation des récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, de temps à autre, ils sont amenés à écrire des vers de poésie dont le but est de faciliter l'apprentissage de la science de base. Il y a dans les écrits des savants ce qui relève de la poésie et les écrits qui ne sont pas de la poésie. Et lorsque les savants écrivent ces quelques vers, ces vers sont très utiles, car ils s'y trouvent un grand bien. Il y a une question sur laquelle ils ont divergé. Faut-il commencer les vers de poésie par la formule « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » que l'on appelle « Al-Basmala » Ils ont eu deux avis. Certains ont dit qu'il ne faut pas puisque c'est de la poésie. D'autres ont dit qu'il faut le faire à partir du moment où le sujet traité dans ces vers est en rapport avec la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez remarquer que cette poésie est appelée nouniya, c'est-à-dire elle se termine à chaque fois, les vers se terminent à chaque fois par la lettre arabe noun. Et en fonction de la lettre qui vient à la fin des vers, on donne ce surnom nouniya ou autre, si c'est une autre lettre, à la poésie. C'est un résumé dont les vers sont peu nombreux, mais le sujet est très important puisque c'est le cheminement vers Allah et vers la demeure dernière. في منظومة السير إلى الله تبارك وتعالى أود أن أشير أولا إلى ما أدري إيش نقول الفول الأفضل معلش نقول يستحسن je souhaiterais que mes frères essaye d'apprendre cette poésie. جعله الله جل وعلا من الصادقين وحشره وإياه معهم يقرأ علينا بيتين ثم نعلق وهكذا السير إلى الله يا إخوان هذا الذي من أجله خلقنا لأن معنى السير إلى الله تبارك وتعالى هو سير القلوب والعبادة محلها القلوب لا الأبدان والله جل وعلا ما خلقنا إلا لهذه العبادة لقوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذه العبادة تستلزم منا جميعا أن نسير في منازلها هذه المنازل العظيمة التي جمعها الله لنا في كتابه، والتي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه العظيم مدارج السالكين، مدارج السالكين. والمقصود بهذه المدارج هو السير في منازل العبودية لله تبارك وتعالى، كما قال هو: بين إياك نعبد وإياك نستعين. Comme vous l'avez entendu, le cheikh encourage tous les gens présents ici à mémoriser ces quelques vers de poésie pour qu'ils puissent en tirer profit de la meilleure façon. Puis, il nous demande de lire deux vers, puis il les commentera, et ainsi de suite. Le sujet, le cheminement vers Allah, est la demeure dernière. Ce n'est autre que la raison et le but de notre création. Il s'agit ici du cheminement des cœurs vers Allah, car nous sommes créés par Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous le dit dans le sens rapproché du verset: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Nous sommes donc créés pour l'adoration, et la place de l'adoration n'est autre que le cœur. Il incombe donc pour celui qui adore Allah tabaraka wa ta'ala de savoir de la meilleure façon traverser les différentes étapes de l'adoration qui ont été citées par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre et reprises par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son écrit bénéfique intitulé Madarij al-Salikin, le sentier des itinérants, qui est traduit notamment en langue française. بسم الله الرحمن الرحيم. العربية مش بالفرنسية. لا العربية. لأنه دركم العربية ومن خلف. نقرأ عندما نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته في السير إلى الله والدار الآخرة: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. افتتح الشيخ عليه رحمة الله هذه المنظومة نعت منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى إجمالا، وجعل هذا محصورا بين أمرين اثنين. الأمر الأول تجنب ما يردي، والأمر الثاني امتثال ما يرضي. الأمر الأول اجتناب ما يردي في قوله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى، والردى هو الهلاك، الردى هو الهلاك. أهل السعادة في الدنيا الموفقين في الحياة الدنيا، والناس قد اختلفوا في نعتهم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم. بعض الناس ربما يرى أن السعادة في الأموال، ولهذا يفعل كل شيء لأجل تحصيل هذا المال، يفعل الحلال والحرام، يفعل الخير والشر، المهم عنده أن الغاية تبرر الوسيلة، المهم حصول المال، لأنه اعتقد أن السعادة في المال. ولكن لما يصل إلى مراده يجد أن شقاوته كانت فيه، يجد أن الشقاوة في جمع هذا المال، في تعبه وفي همه وفي حرصه وما إلى ذلك. بعض الناس رأى أن السعادة في الجاه وفي المنصب فسعى سعيا حثيثا حتى يتحصل على هذه المناصب الدنيوية، حتى يصل إلى كرسي حكم، إمارة، ولاية، مسؤولية، أي شيء، يظن أن السعادة في ذلك الأمر. لما يصل إلى درجة يأمر وينهى فيها غيره، ولكن لما يصل إليها يجد أنها التعاسة بعينها. ويصدق في هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، كما قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه لما سأله الإمارة، قال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. فقال عليه رحمة الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى. السعيد الحقيقي هو الذي لم يقع في واحدة من هذه، وذكرها بالجمع لأنها كثيرة، وكأنه اقتبسها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خط لأصحابه خطا مستقيما فقال: هذا صراط الله، وجعل على جانبي هذا الخط خطوطا صغيرة، قال: وهذه السبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. نحن ديننا واحد لأن ربنا واحد، ولأن نبينا واحد، ولأن قرآننا واحد، ولأن دعوتنا دعوة التوحيد لله رب العالمين. كل ما عندنا كفيل أن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفوفنا، ولكنها الفتن التي فرقت وتفرق. وقد تنبأ بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: إنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. النجاة من هذا الشر، تجنب سبل الهلاك، هو بركوب سفينة النجاة. وسفينة النجاة كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله: السنة سفينة نوح، من ركبها فقد نجا. السنة سفينة نوح عليه السلام، وسفينة نوح أصبحت مثل يضرب للنجاة، لأن من ركبها نجا من الطوفان العظيم الذي أهلك الله تبارك وتعالى به الخلق إلا من كان من الراكبين في هذه السفينة. سعد الذين تجنبوا سبل الردى ثم قال وتيمموا لمنازل الرضوان أي قصدوا منازل السير منازل السير لأهل الرضا وأهل الرضا هم أهل طاعة الله تبارك وتعالى لأن رضوان الله لا ينال إلا بطاعته لا ينال إلا بطاعته وهذا الذي اصطلح على تسميته عند علمائنا بأصلي التخلية قبل التحلية وهذه من أعظم الأصول المنهجية والسلوكية التي هي من دعوة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة دعوتهم قائمة على هذين الأصلين على أصلي التخلية قبل التحلية والتخلية بمعنى إفراغ القلوب من كل ما يفسدها وهذا بمعنى التخلي يعني تفرغ قلبك من كل المساوئ الرياء من المساوئ الحقد من المساوئ الشرك بالله تبارك وتعالى من أعظم بل هو أعظم المساوئ لا بد أن تخلي هذا القلب من هذه كلها ثم التحلية أي ملء هذه القلوب في سيرك إلى الله تبارك وتعالى بما يرضي عنك ربك بما يرضي عنك ربك ولهذا قلنا بدأ الناظم عليه رحمة الله منظومته بهذين الأصلين تجنب ما يرضي وامتثال ما يرضي تفضل الإمام السعدي رحمه الله تعالى commence donc ses vers de poésie dans le cheminement vers Allah et la demeure dernière en disant selon le sens rapproché bien sûr heureux sont ceux qui se sont écartés des voies de la perdition et qui se sont dirigés vers les demeures de la satisfaction. Il s'agit de ceux qui ont été sincères dans leur cheminement en prenant pour législation les préceptes de la foi. Notre cheikh nous explique que l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala a commencé ses vers de poésie en décrivant les étapes ou les degrés que ceux qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala suivent. Et on remarque dans ces premiers vers qu'il s'agit de deux choses. Le fait de s'écarter des voies de la perdition, qui est la première chose, et la deuxième, de mettre en pratique ce qui amène la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on appelle en arabe « al-rada » et qui est traduit par « la perdition », comme vous l'avez compris, c'est ce qui est la perte ou la perdition. Et les gens bienheureux, les véritables bienheureux dans ce bas monde, et il dit les véritables bienheureux car en réalité les gens divergent et ne sont pas d'accord dans leur conception qu'ils ont de la véritable joie. C'est la raison pour laquelle il existe des personnes qui pensent trouver la joie dans les biens et le fait d'amasser l'argent. Ils se sont donc fatigués et ont fourni tous leurs efforts en prenant comme guide cette fameuse parole « la fin justifie les moyens ». Ce qui est illicite pour ces gens-là, c'est ce que leurs mains atteignent. Ces gens-là ont fourni tous ces efforts et ont eu ce qu'ils ont tant cherché. Une fois avoir eu cet argent, une fois avoir amassé tous ces biens, et ils se sont rendus compte qu'en réalité, ce n'était que la tristesse et le malheur qu'ils ont trouvé au bout du compte. D'autres personnes pensent que la joie se trouve derrière le fait d'atteindre un poste haut placé ou d'avoir un rang élevé auprès des gens, comme le pouvoir, le commandement, ces gens-là qui aiment donner des ordres et être obéis. Ils se sont fatigués, ils ont fourni leurs efforts, mais en réalité, ils n'ont trouvé que regret et tristesse. Et ceci, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au noble compagnon Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu, en lui parlant du commandement, le fait de gouverner, de commander, il lui dit, en décrivant le commandement, que c'est un dépôt d'Allah tabaraka wa ta'ala, et le jour du jugement dernier, une source d'avilissement et de regret. En réalité, le véritable bienheureux est celui qui a réussi à éviter ces deux choses. Est celui qui a réussi à éviter cette chose, qui est le suivi des chemins de la perdition, car ils sont nombreux. Et dans le récit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, nous dit que le messager un jour traça un trait droit au sol, puis il dit, voici la voie d'Allah. Après ce trait, il en traça d'autres, nombreux, à la droite et à la gauche. Puis il dit, et voici les autres voies. Il n'y a pas une seule de ces voies sans qu'il ne s'y trouve un démon y appelant. Et le récit est connu. Notre livre est unique. La sunna que nous suivons est unique. La guidée qu'il nous est demandé de suivre est une seule et même guidée. Nous avons en réalité dans notre religion ce qui nous est largement suffisant et ce par quoi on doit se contenter et on peut se contenter de toute autre chose. Nous avons dans notre religion ce qui peut unir nos rangs et nous réunir derrière une seule et même croyance et un seul et même cheminement. Mais ce sont les troubles. Ce sont les troubles qui ont désuni. Ces troubles au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le récit prophétique, quiconque parmi vous vivra après moi verra d'énormes divergences, ou beaucoup de divergences. Qu'il s'accroche donc à ma sunna et à la sunna de mes califes, bien guidés jusqu'à la fin du hadith. Ainsi, suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivre la religion de droiture, est le chemin du salut. Le salut ne peut être atteint qu'en embarquant cette arche qui est comparable à l'arche de Noé, Nuh alayhi salam. Comme l'a dit l'imam Malik rahimahullah en décrivant la sunna, il dit la sunna est comme ou la sunna est à l'image de l'arche de Noé. Quiconque embarque se verra sauvé et celui qui s'y refuse est voué à la perdition. Dans le deuxième vers, l'imam Saadi rahimahullah a parlé du fait de suivre le cheminement de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On retrouve donc en réalité deux choses qui sont la purification et l'éducation. Il faut d'abord purifier, enlever tout ce qui est nuisible, se débarrasser de tout ce qui est mauvais pour après s'embellir et se parer de la foi et de l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce à quoi fait allusion l'imam Sa'di, rahimahullah, en parlant de ceux qui ont délaissé les voies de la perdition pour suivre le chemin de la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est une méthodologie chez les gens de la sunna, la purification et l'éducation. Le fait d'assainir les croyances malsaines, de corriger les erreurs, de purifier tout simplement, pour ensuite s'embellir, se parer de la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Il s'agit de purifier les cœurs de tout ce qui pourrait les nuire. Et parmi les choses les plus nuisibles pour les cœurs, le polythéisme, donner un égal à Allah, l'associationnisme. Il y a parmi ces catégories l'ostentation, d'œuvrer dans le but d'être vu et apprécié par autrui. Il faut donc absolument épurer, puis éduquer Et c'est le sens de ce qu'a dit l'imam Sa'di, rahimahullah. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى كالتفصيل لما أجمله في البيت السابق فهم الذين قد أخلصوا في سيرهم متشرعين بشرعة الإيمان أي هؤلاء الذين من سعادتهم أنهم تجنبوا سبل الردى وتيمموا منازل الرضوان هم كذلك الذين أخلصوا في مشيهم أخلصوا لله تبارك وتعالى والإخلاص أعظم المطالب وأول شروط قبول الأعمال لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من أعمال عباده إلا ما كان خالصا لوجهه ولهذا قال الله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال القاضي عياض عليه رحمة الله أخلصه وأصوبه حسن العمل أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى أولا ثم أن يكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا معنى قوله عليه رحمة الله أصوبه لأن الصواب في موافقة السنة في كل عمل من الأعمال في كل عمل من الأعمال وقاعدة في هذا الباب أن العمل لا يقبل إلا إذا كان عليه التوقيع التوقيع النبوي يعني التوقيع النبوي بموافقته للسنة أردت أن تصلي الله جل وعلا لا يقبل صلاتك إلا إذا كانت كصلاة رسول الله أردت أن تصوم الله جل وعلا لا يقبل صيامك إلا إذا كان كصيام رسول الله أردت أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى